Martiniquaise. Vous nous captez depuis Bujumbura, capitale burundaise. Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée de ce dimanche, dont voici d'abord la charpente. La production de riz a chuté dans la province de Gitega suite à un courant froid qui s'est manifesté dans cette province. Les cultivateurs demandent l'assistance du gouvernement. Des mécanismes de régularisation sont en place pour aider près de 200 enseignants qui cotisent pour les syndicats dont ils ne font pas partie dans la province de Wururi. Et dans ce journal, vous aurez les informations sur l'évolution de la Coupe du monde de football qui se tient en Russie. La mise en onde est assurée par Eli Nkadogo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Commençons par la politique pour ouvrir ce journal. Le parti Palipe Agakiza participera à toutes les élections de 2020. Dans un congrès national de ce parti de ce dimanche, Casimir Ngendanganya, président de ce parti, a indiqué que son parti va fournir plus d'efforts en donnant plus de place aux jeunes et aux femmes. Suivez-le. Vous savez que en 2020 nous avons les élections qui vont mettre en place les nouvelles structures du pays. Nous avons organisé en premier ce congrès pour nous préparer à ces élections pour que le parti puisse avoir une place honorable ou gagner les élections lors de ces élections de 2020 pour que nos militants aussi entrent dans les institutions et puissent contribuer au renforcement de la démocratie qui est notre objectif depuis 1980, ça fait 38 ans. Vous le voyez, mes vice-présidents par exemple, ils sont membres fondateurs du parti il y a 38 ans. Il y a des jeunes, mais il faudrait renforcer la présence des jeunes et des femmes. C'est très important. D'abord, pour gagner ces élections. De deux, pour respecter aussi le programme du pays, le programme du gouvernement. C'était Casimir Ngendanganya, président du parti Palipe Agakiza. Je vous le disais en titre, près de 200 enseignants membres du syndicat STEB en province Wururi cotisent pour des syndicats dont ils ne sont pas membres. C'est le représentant provincial de ce syndicat Wururi qui l'a dit ce samedi lors de la célébration de son 25e anniversaire. Pour Apollinaire Ndaye Meye, des mécanismes de régularisation de ces enseignants auprès du ministère ayant la fonction publique dans ses attributions ont déjà commencé. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Selon Apollinaire Ndaye Meye, représentant du syndicat STEB en province Wururi, 200 membres de ce syndicat dans cette province cotisent pour des syndicats dont ils ne sont pas membres. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà constaté qu'il y a un effectif de 200 enseignants qui sont victimes de ces cas. Le ministère ayant la fonction publique dans ses attributions est déjà saisi sur cette question, mais sa réponse n'est pas satisfaisante. On nous demande d'aller chez ces leaders syndicaux alors qu'ils ne sont pas responsables de nos rémunérations et par conséquent, ils ne pourraient pas arriver sur nos comptes. Le responsable, c'est le ministère en charge de la fonction publique. Pour solidaire syndical, même la justice sera saisie au cas échéant. Et si le dit ministère ne parvient pas à régler ce problème, nous allons faire recours aux instances habilitées, comme la justice, par exemple. Rémi Sengyumba, représentant national de ce syndicat, qui avait participé dans ces cérémonies du jubilé d'argent de ce syndicat à Wururi, a informé que ce syndicat plaide toujours pour l'ouverture des portes au ministère ayant l'éducation dans ses attributions pour accueillir les doléances des enseignants en difficulté de travail et de survie suite au redéploiement. Jean-Pierre Misago, depuis Wururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue sur la radio Isanganiro et parlons agriculture. Un courant froid qui a prévalu pendant la récente saison pluviale a occasionné l'avortement du riz en province Gitega. La conséquence de cette perturbation climatique, c'est la baisse de la production du riz. C'est au moment où les riziculteurs demandent l'implication de l'État pour améliorer davantage la production. Les précisions avec Gérard Nibigira. Le chef du service de production végétale à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, M. Nibigila Denis, fait savoir qu'un courant froid observé lors de la récente saison pluviale a gravement affecté beaucoup de champs de riz à Gitega. Il précise que ce courant froid a provoqué l'avortement du riz pour tous les champs de riz dont les grains étaient en phase de remplissage lors du passage de ce courant froid. La conséquence est alors que la production du riz va baisser. Nibigila Denis souligne également que ce courant froid n'a aucun impact sur la culture de riz s'il passe avant ou après la phase de remplissage des grains de riz et que rien ne peut le prévenir et il est irrégulier. Cet avortement du riz a alors inquiété les riziculteurs de Gitega qui disent qu'ils ont déjà constaté l'intérêt alimentaire et économique de cette nouvelle culture dans la région. Ils demandent à l'État, via le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, de rendre disponibles des semences sélectionnées du riz et des engrais chimiques à des prix abordables par tous et surtout des bottines subventionnés pour se protéger contre les sangsues qui les piquent au niveau des pieds lors du repiquage et sarclage du riz. Depuis Gitega, Gérard Nibigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard pour cette correspondance. Sport à présent. Les matchs de la Coupe du monde de football qui se déroulent en Russie se poursuivent ce dimanche. Le premier match va opposer deux équipes du groupe G, à savoir l'Angleterre et le Panama. Le deuxième match va opposer le Japon et le Sénégal. Et le troisième, ça sera entre la Pologne et la Colombie. Nous sommes dans le groupe H. Les détails sur les trois matchs de ce dimanche avec Évariste Nzikobanyanga. Les équipes nationales d'Angleterre et du Panama du groupe G vont croiser le fer dans le second match de la compétition. C'est au moment où la sélection anglaise a 3 points issus du premier match contre la Tunisie et le Panama ayant 0 point issu de la défaite contre la Belgique lors du premier match. Dans le groupe G, c'est la Belgique qui vient en tête avec 6 points. Et qui s'est déjà qualifié au 8e de finale. Ce samedi, les Belges ont battu les Tunisiens 5-2. La Tunisie a par la suite rejoint le Maroc et l'Égypte déjà éliminés, mais qui attendent de discuter le troisième match qui est au programme. Le match Angleterre-Panama va déterminer si l'Angleterre va être qualifiée et cette sélection devra égaliser ou remporter le match. Dans le groupe H, 2 matchs sont en lice pour départager les sélections sénégalaises, japonaises, polonaises et colombiennes. Le premier match du groupe va opposer le Japon et le Sénégal, 2 leaders du groupe G. Lors du premier match, le Japon ayant battu la Colombie 2-1, même score en faveur du Sénégal contre la Pologne. C'est le match de ce dimanche entre le Japon et le Sénégal qui va déterminer le premier ou le second du groupe. Le deuxième match du groupe G, ce sera entre la Colombie et la Pologne qui n'ont aucun point après leur défaite lors des premiers matchs. Sur 5 équipes qui représentent l'Afrique, les Africains n'attendent que les exploits du Sénégal et du Nigeria. Le Sénégal devra gagner le match de ce dimanche contre le Japon et le Nigeria devra battre l'Argentine mardi prochain. Actualité internationale. Actualité internationale en bref, au Zimbabwe. Le président de ce pays a échappé ce samedi un probable attentat à la bombe qui a visé une réunion électorale à laquelle il participait. Le bilan de cet attentat a fait plusieurs blessés, dont au moins un des 2 vice-présidents du pays. Comme nous le disons sur le site de Jeune Afrique, le président a été évacué avec succès. Il se trouve au siège de la province à Bulawayo. Comme nous continuons de le lire, ce président a indiqué qu'il est habitué à cette tentative et précise qu'ils ont lancé cette bombe à quelques centimètres de lui, ajoute que son heure n'était pas encore arrivée. Et en Éthiopie, au moins 1 personne a été tuée et 154 blessés ce samedi par l'explosion d'une grenade lancée au milieu d'une foule immense venue écouter le premier ministre éthiopien dans le centre d'Addis Abeba, comme on peut le lire. Sur le site de Jeune Afrique également, le premier ministre a estimé que cet incident avait été planifié par des groupes cherchant à discréditer le rassemblement et son programme de réforme. Son chef de cabinet a indiqué sur Twitter que l'explosion avait été provoquée par une grenade. Et comme nous continuons de le lire, le premier ministre a quitté précipitamment les lieux sains et saufs. Et voilà, c'est par ici que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.